Je replonge vers mon passé qui était simple et sans souci. Je regrette qu'aujourd'hui s'étrangle ma naïveté. Je souffle sur des braises qui ne peuvent me réchauffer. Je regarde mal à l'aise ma jeunesse s'évaporer. C'est l'histoire salutaire. Je ne voudrais pas finir seul pour que mes amours s'immolent. C'est l'histoire. C'est l'histoire.